Aujourd'hui, le 10 juillet 2024, Sayado va parler des Punya. Punna. Punya veut dire mérite ou bonne action. Ça est appelé aussi Kusala. Chacun, peu importe sa religion, a des choses qui sont inévitables, des choses qu'il doit réaliser. La tâche inévitable d'un être humain est de vivre ses actions, sa parole et son esprit, en rendant ses actions, sa parole et son esprit libérés d'actes et de paroles blâmables. Ça est une chose qu'on doit essayer de faire sans échouer. Quand les gens accomplissent leurs tâches sans échouer, chacun à son propre rythme, ces actes deviennent la cause de l'apparition du bonheur. Ce bonheur spécial n'inclut pas le bonheur qui dérive des plaisirs sensuels. Il n'y a rien de spécial à propos du bonheur qu'on gagne des expériences sensuelles. Même les animaux en profitent et les apprécient. Si une personne ne fait pas des actions qui suscitent ce bonheur spécial, alors elles ne pourront pas obtenir ce type de bonheur. Les tâches qui doivent être accomplies doivent être faites en ordre de gagner ce bonheur. Ces tâches inévitables qu'une personne doit accomplir sont des choses qui purifient notre existence. Ces tâches-ci sont appelées punya en pali. Il y a trois types d'actions purificatrices, punya. Elles sont Dana Punya, Sila Punya et Bhavana Punya, qui sont les actions purificatrices des générosités, moralité et développement mental. Si on accomplit chacune de ces actions, chacune à son propre rythme, alors elles entraîneront l'apparition du bonheur spécial. Et ça est exprimé dans les enseignements du Bouddha. Quand le bonheur spécial apparaît, n'est pas parce qu'il nous est accordé par quelqu'un de puissant, mais est accompli en connaissant ce qu'il faut faire et en le faisant. Les êtres ont besoin de nourriture, des vêtements et d'un abri. Et vu que les gens ne veulent pas se sentir inférieurs ou en manque de quelque chose, donc, nous voulons avoir de la nourriture, des vêtements et un abri. Si on pense à notre existence, en elle, elle n'a pas beaucoup de valeur, mais on peut l'utiliser pour créer des actions salutaires. Ça la rendront précieuse. Si on réfléchit vraiment sur notre vie, il n'y a aucune garantie, car on naît, on vieillit et on est destiné à finir dans la terre, à finir au cimetière. Donc, il n'y a aucune garantie pour notre existence. Mais tout comme nous pouvons extraire des choses d'un navire poubelle et en gagner de l'argent, comme sortir des choses de la poubelle, si on utilise notre existence avant de mourir pour faire des actions méritoires, alors on peut extraire ce qui a du valeur dans notre existence. Ce type d'action méritoire est appelé dana. L'action méritoire dana, la générosité, n'est pas en soi une action méritoire importante ou considérable, mais elle est très bonne, car elle ouvre la voie à des actions méritoires supérieures, qui sont plus importantes. La générosité, dana, signifie donner quelque chose qui nous appartient à quelqu'un d'autre, afin qu'il puisse l'utiliser. On doit le faire avec un but, pour que cette personne soit heureuse, qu'elle puisse avoir quelque chose dont elle a besoin pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Ne doit pas être faite à notre avantage, pour gagner quelque chose. Elle doit être faite pour l'autre personne. Quand on donne un cadeau, on devrait se défaire de tout attachement lié à lui. On ne doit pas le regretter. On ne doit pas se dire, maintenant je ne peux plus l'utiliser. et on ne doit pas avoir d'attente des résultats naturels qui viennent du fait de donner quelque chose. On ne devrait pas vouloir y gagner de la notoriété en tant que donneur. On doit être complètement libre de l'avidité quand on donne quelque chose pour avoir des bons résultats. Il doit y avoir la bonne intention ou metta, l'amour bienveillant, le souhait que l'autre personne puisse être bien et heureuse. Il y a aussi la compassion, karuna. Puisse cette personne être soulagée de la souffrance qui vient de ne pas avoir ce dont on a besoin. Donc, on doit avoir ces deux, la bonne intention, metta, l'amour bienveillant, et karuna, la compassion, le désir d'éliminer la souffrance. Quand l'esprit est pur à cause de cette attitude amicale de vouloir le bien-être d'autrui, ça élimine la haine. Quand on a de la compassion pour l'autre personne, quand on voit éliminer sa souffrance, ça élimine la cruauté. Donc, ces attitudes d'avoir de bonnes intentions et de la compassion pour les autres sont très importantes dans notre relation avec les autres. Quand on donne un cadeau, quand on fait un acte de dana et metta et karuna, bon, la bonne intention et la compassion deviennent fortes. Quand elles sont fortes, on devient heureux en voyant les autres, les destinataires qui utilisent les choses qu'on a données. Cette qualité de se réjouir de la bonne situation de quelqu'un d'autre est appelée mudita, la joie sympathisante ou altruiste. Donc, il n'y a pas de jalousie, il y a seulement le souhait pour l'autre d'être heureux. Il n'y a pas d'avarice. Il n'y a pas un but égoïste. Et quand on utilise metta et karuna, quand on fait des actes de générosité avec metta et karuna, les qualités égoïstes comme la jalousie, l'avarice et l'envie ne seront pas là. Même si tout acte de don est le même, en étant une action visant à donner quelque chose, il y a une différence selon comment ce don il est fait. Il est important pour un acte de don d'être pur, de contenir des bonnes intentions et de la compassion, metta et karuna, car ceux-ci vont éliminer la haine et la cruauté de votre esprit. De cette façon, le don que vous faites purifie votre esprit. Donc, quand on donne quelque chose avec cet acte de pure motivation, on cherche à de subvenir aux besoins de notre personne. Et les résultats naturels de cette intention portent une satisfaction matérielle à la personne qui donne. Ça est appelé bhoga sampatti. Et les résultats naturels qui viennent d'une action pure de don, de générosité. La satisfaction matérielle, bhoga sampatti, est un résultat secondaire de l'action pure de donner. Mais on peut faire un don en ayant par but le bonheur véritable, et faire ça supporte notre pratique, car il est plus facile de pratiquer si on a la satisfaction matérielle. Dana, la générosité, en soi-même ne peut pas fournir le bonheur qui vient de la paix véritable, par exemple. Mais quand on vit ce type de bonheur, elle supportera notre pratique. L'acte purificateur punya, qui vient après dana, est sila punya, l'acte purifiant de la moralité. Il est important de se comporter comme un véritable être humain, en commençant par les bases. Sinon, si on ne se comporte pas comme un vrai être humain, on donc ne sera pas utile d'être né en tant qu'être humain. Et en plus, on crée des troubles aux gens qui sont autour de nous et des gros problèmes peuvent survenir. Donc, il est essentiel de se comporter comme un vrai être humain, en commençant par les bases. Les bases dont on a besoin pour être un vrai être humain est la simple habileté de réfléchir avant de faire quelque chose, ou de dire quelque chose, ou de planifier quelque chose, qui soit pour nous-mêmes ou pour les autres, de considérer ce qui sera bénéfique ou pas. Et puis de considérer si la chose qu'on pense faire ou dire s'est appropriée ou pas. Cette habileté à réfléchir est plus importante de tout ce qu'on pourrait apprendre à l'école. L'habileté de considérer si quelque chose sera bénéfique ou pas est appelée sattaka sampajanya. Et il y a aussi sapaya sampajanya, la compréhension de la pertinence. Donc il y a satana sampajanya, la compréhension des bénéfices, et sapaya sampajanya, la compréhension de la pertinence, si un acte est approprié ou pas. Quand vous avez l'habileté à réfléchir aux bénéfices et pertinence des actions, donc vous savez que si vous faites quelque chose de pas bénéfique, ça vous causera de la souffrance. Et vous n'allez pas faire non plus quelque chose de bénéfique, mais de ne pas approprié, car dans ce cas, l'action ne sera pas très bénéfique. Être capable de choisir comme ça est comme être capable de choisir quoi manger. Quand on choisit quoi manger, on évite des choses qui sont inadaptées ou des choses qui sont toxiques. On cherche à manger des choses qui contiennent du nutriment et on doit manger quand c'est le bon moment. Donc ça est très similaire à être capable de choisir les actions qui sont en même temps bénéfiques et appropriées, et tout ça au bon moment pour obtenir le meilleur résultat. Quand une personne a l'habileté de réfléchir sur les bénéfices et la pertinence chaque fois qu'il planifie de faire quelque chose ou de dire quelque chose, qu'il soit pour soi-même ou pour les autres, il évitera les choses qui ne sont pas bénéfiques et il évitera des mauvais résultats. Il évitera aussi des choses bénéfiques mais inappropriées, car celles-ci ne valent pas la peine. Ils feront ce qui est en même temps bénéfique et approprié. Donc, garder une bonne conduite morale est simplement ça. Les yogis, maintenant, gardent le principe d'éviter de tuer, Panatipata Weramani. Ils gardent le précepte de ne pas voler, Adinadana Weramani. Les actions de tuer et de voler ne sont pas bénéfiques pour nous et pour les autres personnes non plus. Elles ne portent aucun bénéfice et elles ne sont pas appropriées. Donc, si on évite de commettre ces actes, car on réfléchit sur les bénéfices et sur la pertinence, ou car on considère comme les autres vont se sentir en subissant un acte pareil, et comment cet acte nous déshonore. Donc, on évite de les commettre, et de cette façon, nos actes et nos paroles deviennent purs. Donc, on devient des véritables êtres humains en gardant une bonne conduite morale. Et ça apporte de la paix dans cette vie et dans les vies futures. Quand on garde une bonne moralité, on se comporte comme un vrai être humain. Et comme résultat, dans les vies futures, on aura une vie en tant qu'être humain, une bonne existence qui est digne d'un être humain. Quand on donne des choses matérielles, on gagne bhoga sampatti, la satisfaction matérielle. Quand on garde une bonne conduite morale, on aura la satisfaction de l'existence, bhava sampatti. Et ces deux sont importantes. On a besoin des deux. Mais de ces deux est plus important d'avoir la satisfaction de l'existence, bhava sampatti. Car on ne veut pas perdre notre existence humaine pour finir dans des plans d'existence inférieurs. Donc, on doit donner la priorité à la moralité. Et la plupart des gens dans le monde ne savent pas qu'on doit donner la priorité à la moralité. Et par conséquent, le monde dans son ensemble est en train d'être détruit. Les trois entraînements enseignés par les Bouddhas sont sila, samadhi et panya, la moralité, la concentration et la sagesse. Dana, la générosité, ne fait pas partie de ces trois entraînements. Mais si on sait comment donner, ça est excellent. Si on sait comment donner sans avidité, avec des bonnes intentions et de la compassion, metta et karuna, et on réfléchit sur ce qui est bénéfique et approprié. Si on pratique dana de cette façon, ça est excellent et ouvre la porte au maintien de la moralité. Des actes comme tuer, voler, des différents types de crimes sexuels sont tous faits par des gens ou des êtres qui ont une extrême avidité. Parfois, les gens, à cause de l'envie, de la haine, de la jalousie, tuent ou volent, etc. Ces actions sont commises par des gens qui n'ont pas metta et karuna, des bonnes intentions et de la compassion. Mais quand on pratique dana avec metta et karuna qui sont présentes, alors est plus facile de garder la moralité, de garder les préceptes. Et aussi, quand on a la capacité à réfléchir sur ce qui est bénéfique ou pas, alors on sait que quelque chose n'est pas bénéfique. Donc on l'évite. Si quelque chose n'est pas approprié, on l'évite. On sait éviter ces choses. De cette façon, dana, l'acte de donner, ouvre la porte à la satisfaction de l'existence qui vient en gardant les préceptes moraux. Quand on fait des actes de générosité avec metta, bonnes intentions, karuna, la compassion, et mudita, la joie altruiste, ça sont des facteurs mentaux. Et avec ces bases, on a un esprit humain. En gardant les préceptes moraux, on se comporte comme un vrai être humain. Et en pratiquant la générosité avec metta, karuna et mudita, on développe un esprit humain. Si seulement serait présent dans le monde des bonnes intentions, la compassion et la joie altruiste, alors ça serait bien. Mais même si c'était bien, il n'y a pas encore du développement mental. Ça est seulement avoir ces attitudes des metta, karuna, etc., seulement en réfléchissant. Donc, n'est pas le développement continu de l'esprit qui a lieu avec la méditation. Donc, pour développer les qualités des metta en continuation et les rendre fortes, on doit pratiquer la méditation ou bhavana. Et la méditation des yogis maintenant est bhavana punya, l'action purificatrice du développement mental. Bhavana punya, l'acte purificateur du développement mental, est d'observer l'esprit et la matière qui apparaissent aussi porte d'essence de la même façon quand ils apparaissent avec sati, afin de se concentrer et de recueillir l'esprit. Il y a les six récepteurs, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Ça sont les six portes d'essence. Et puis, il y a les phénomènes qui frappent ces six portes. La vue, les sons, les odeurs, les goûts, les objets tangibles et beaucoup d'autres objets différents des dhammas. Quand l'objet d'essence frappe la porte d'essence, il y a une étincelle. Et il y a six types de conscience qui apparaissent. Voir, ouïr, sentir, goûter, toucher et savoir. Et ça, sont tout vraies natures, sont des phénomènes naturels. Donc, on doit observer tous ces types de choses, mais au début, on ne peut pas observer tout ça. On doit chercher à observer l'objet principal, le mouvement des soulèvements et abaissements de l'abdomen. Chercher à l'attraper du début à la fin chaque fois qu'il a lieu. Et quand on marche, on cherche à attraper des objets de pas gauche, pas droit, lever, placer, lever, avancer, placer, chaque fois qu'ils ont lieu. On doit faire en soi que l'esprit colle au mouvement, du début à la fin, chaque fois qu'ils ont lieu. C'est le même quand on cherche d'observer les activités quotidiennes. Si on fait tout ça, ça est appelé Bhavana Punya, l'acte méritoire du développement mental. Il y a les trois entraînements, Sila, Samadhi, Panya, la moralité, la concentration, la sagesse. En premier lieu, on doit apprendre la façon de les pratiquer, la théorie. Et en deuxième, on doit appliquer la pratique selon la façon dont on l'a apprise, selon la théorie. La pratique de la moralité définit ce qui est bien à faire et ce qui est à éviter. Quand on est confronté à la situation d'éviter de commettre certains actes ou de dire certaines choses qui ne sont pas bonnes, on réfléchit sur le fait que certains actes sont à éviter par blâme moral ou par peur d'une mauvaise conséquence, par une peur morale. Si on peut éviter de commettre ces actions pas bénéfiques, on garde les préceptes moraux et alors notre pratique des silas est complète. Quand on garde les préceptes moraux, la pratique des silas est complète. Du coup, nos actions et notre parole sont pures. Mais l'esprit est encore sans contrôle. Sila ne contrôle pas l'esprit. Donc, ce qui se passe sans contrôle mental, par exemple, quand l'esprit rencontre quelque chose d'agréable, de désirable, alors l'avidité apparaît. C'est lobha. Quand l'esprit rencontre quelque chose de désagréable, de détestable, alors la colère, dosa, apparaît. Et la confusion, moha, apparaît tout le temps qu'il y a lobha et dosa. Ces empêchements sont appelés pariyutana kilesa, des empêchements obsessifs qui apparaissent à l'esprit et nous agressent. C'est comme quand les gens ne font pas attention à leur santé. Ils mangent des choses inadaptes, ils souffrent. Ils ne se préoccupent pas de ce qui leur pourrait être bénéfique ou pas. Donc, ils mangent des mauvaises choses. Ils souffrent. Ils pourraient même mourir à cause de ça. Les êtres humains sont des êtres du royaume des sens. Du coup, pour les êtres humains, sans contrôle mental, la plupart du temps, l'esprit va vers des plaisirs sensuels, des désirs de voir, ouïr, sentir, goûter, toucher de belles choses. Le Bouddha savait et enseignait la façon de contrôler l'esprit, de garder l'esprit recueilli en plaçant l'attention sur un seul objet. Placer l'esprit sur un seul objet conceptuel est appelé samatha, la méditation de la concentration. Le Bouddha savait pratiquer et enseigner aussi la méthode vipassana, qui consiste à placer l'esprit sur le corps pour observer l'apparition des objets aussi portes des sens, et de cette façon contrôler l'esprit. Ça est la méthode que les yogis sont en train de pratiquer, la méthode vipassana. Quand on observe les six types d'objets qui apparaissent aussi portes des sens sans interruption, Samadhi se développe et en dessus de ça, on garde les préceptes de façon que notre pratique des silas soit complète et la pratique des samadhis soit établie. Si on continue à observer à partir de ça, la sagesse se développe étape par étape. Et si la sagesse se développe étape par étape, alors vous expérimentez le bonheur véritable des Nibbana, la cessation de la souffrance. Donc, puissiez-vous être capable d'observer tout le... Donc, puissiez-vous être capable d'observer tous les objets qui apparaissent aussi portes des sens, en commençant par le soulèvement et abaissement sans interruption, pour développer la connaissance jusqu'à réaliser le bonheur véritable. Sadhu, sadhu, sadhu.